Thank you. Thank you. Yeah.

normale, quand j'ai pas l'air de j'avais chanté une chanson écrite par une femme. Et même elle rentre dans le cadre parce qu'en fait elle s'appelle Jean. Jean, Jean Silver, c'est possible. Bye.